ce moment la tendance c'est tout tiré vers le bas. Au niveau de la culture jusqu'à la stature des Kaira. En ce moment la tendance c'est le nul à chier. Tout pour la connerie, vas-y éteins ta télé. Réveille-toi l'esprit, t'es en train de te faire niquer. T'as pas pigé tout ce que t'entends, c'est que tu formaté. Alors vas-y agite-toi et réveille-toi. Sinon sans deck, je sais pas où tout ça, ça finira. En ce moment la tendance c'est n'importe quoi. On en est dans la merde et y'a personne qui nettoie. En ce moment la tendance, elle a tendance à puer. Et encore une fois, y'a personne qui vient aérer. Plus le temps passe et plus la tendance j'aime pas. On devient tous des oufs et on a tous la jura. Mais en fait il faut se l'avouer, ce qui est tendance chez nous c'est d'aller en chier un peu plus comme des fous. En ce moment la tendance c'est tout pour le teubé. Surinformé, surtout désinformé, c'est comme ça que c'est fait. Tout dans l'apparence, c'est tendance en vrai. T'as l'impression d'être impliqué, mais y'a rien de vrai. Tu vois plus ce qu'ils ont décidé, que tu verras, 40 cultivés. La télé c'est pas fait pour ça, c'est un outil à trépaner. Les gens comme toi et moi, et matière à réflexion, bah nos élites ils aiment pas. En ce moment la tendance à tout tirer vers le bas. Y'a plus de culture, y'a plus de merde chez les Kaira. Le populo s'emmerde à hancher des tas. Sa seule distraction, c'est après le Vaitra. Se poser dans le canapé et mater tout ce qu'il y a dans ce putain de carré vicié qui est pas fait pour ça. Car le but de cette merde, c'est faire accepter le peu que tu as et d'espérer ce que jamais tu n'auras. Alors t'as le choix, de toute façon c'est soit l'opulence, soit la misère. La misère, ils font toujours voir des gens plus pauvres que toi, ça rassure hein. Et l'opulence, bah tu peux toujours te branler parce que tu baigneras jamais dedans mon gars. Ça c'est inné, c'est comme ça. Alors vas-y, tu regardes bien, surtout tu t'analyses bien ton petit cervelet. T'écoutes bien ce qu'ils disent qu'il faut aller acheter. Si tu fais bien comme ils t'ont dit de faire, et ils seront contents comme ça. Vas-y, continue, continue, reste la bouche ouverte devant le carré magique. Reste la bouche ouverte et dors, dors, ils le veulent, dors. Dors, vas-y, dors.